Et remarquez comment ils diminuent la gravité de leur croyance de tekfiri face à leur qualité comme d'apprendre le Coran Karim, ou d'avoir un bon comportement, ou de parler l'arabe littéraire. Neuvièmement, son émange de l'Ash'arite, Muhammad Nazib al-Muti'i, qui consentait aux pratiques des ignorants qui se dirigeaient vers les tombeaux des saints et leur présentaient des offrandes. On témoigne que ce al-Muti'i écrivait dans leur revue Soufi dite al-Muslim et qui fut publié par cette secte de al-Ashir al-Muhammadiyya. Al-Huwayni dit dans son livre Tanbih al-Hajid, page 12, qu'il assistait au cours de Muhammad Najib al-Muti'i jusqu'à ce que celui-ci quitta le pays pour le Soudan. Et il confesse que ce qui entachait son plaisir dans ses cours de al-Muti'i, c'était qu'il méprisait Sheikh al-Albani. Sheikh Abu Abd al-A'la, hafidhahullah, demande, est-ce que celui qui reconnaît le bienfait de l'imam al-Albani peut-il assister à celui qui le détractait ainsi, qui le détractait pour la simple raison qu'il le contredit dans son innovation de ash'arisme? Dixièmement, son éloge à l'égard des membres du parti de Al-Ikhwan Muslimoun, wa ma adraka man Ikhwan Muslimoun, son éloge pour les frères musulmans. Al-Huwayni a des éloges éparpillés dans ses cours à l'égard des frères musulmans, tout en racontant leurs histoires de torture dans les prisons et en les prenant pour des modèles à suivre dans l'endurance. Or, quel très mauvais modèle! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de patienter en cas de gouverneur injuste, et eux, ils transgressent la parole du messager d'Allah azza wa jal. Ils transgressent aussi celle de Al-Qur'an al-Karim. Le verset qui est dans la sourate An-Nisa, Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, ô vous qui avez cru. Obéissez à Allah, obéissez au messager et à ceux qui prennent le pouvoir parmi vous. Obéissez au gouverneur musulman. Ils transgressent tout cela. Ils transgressent la parole du messager d'Allah. Ils font fi de ses recommandations et s'insurgent incessamment depuis qu'ils ont existé jusqu'à nos jours. Et l'histoire témoigne de ce qu'ils ont causé comme versement de sang des musulmans suite à leur comportement irresponsable et à jamais téméraire et enfantin, comme de marcher dans les rues, comme de crier comme des enfants, de crier, de casser les vitres, de lancer des pierres aux agents de sécurité. Cheikh Abu Abd al-A'la, hafidhahullah, note que la compagnie de Al-Huwayni en Égypte et à l'étranger sont les Qutbi, les Hizbi et les Qussas comme Mohamed Hassan, Abdurrahman al-Khaliq, Mohamed Hussein Yaqub. Note du traducteur, nous soulignons aussi que les tekfiris dans le monde raffolent de ce Huwayni et ils le considèrent même comme un grand imam. Ils le vénèrent plus que tous les savants. Bien connus comme Ibn Baz, Al-Albani, Al-Uthaymin, Al-Fawzan. Nous demandons, pourquoi ces jeunes tekfiris respectent-ils tant Al-Huwayni et ses semblables comme Sulayman Al-Alwan, Safar Al-Hawali, Salman Al-Awda, Nabil Al-Awadi, Mohamed Al-Maghrawi, Adnan Ar'ur, Khalid Al-Rashid, Mohamed Amin Boukhobza, Omar Al-Haddouchi, le tekfiri du Maroc et d'autres. Tandis que ces jeunes avilissent les vrais savants, comme ceux que nous venons de citer, comme Ibn Baz al-Albani al-Uthaymin al-Fawzan, comme ceux que nous venons de citer, et comme ceux qu'ils ne veulent jamais connaître, comme les mashaykh Muhammad Aman Jami, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, Rabi' bin Hadi al-Madkhali, Muhammad bin Hadi al-Madkhali, et d'autres. La réponse est bien connue. Ils ne veulent pas les connaître. La réponse est bien connue et amère. Elle réside dans l'ignorance et dans la passion. Ignorance de la aqida et du minhaj salafi authentique et la passion qui les porte à mépriser les savants et les gouverneurs musulmans. Fin de cette note du traducteur. Cheikh Abu Abd al-A'la souligne que Al-Huwayni lui-même, quand il se rend dans un pays comme l'Arabie Saoudite, il ne visite plus les grands savants comme Rabbi Ahmed Khali. Il a visité Cheikh Rabbi pour un objectif déterminé, c'est d'avoir un manuscrit, et pour qu'il demande l'intercession de Cheikh Rabbi pour le défendre une fois. Il a visité deux fois, comme l'avait donc montré Cheikh Mohamed al-Madkhali, Mohamed bin Hadi al-Madkhali, Hafidahullah. Donc, Al-Huwayni ne visite plus Cheikh Rabi' al-Madkhali. Il ne visita jamais Cheikh Saleh al-Fawzan. Il ne visite pas Cheikh Ubaid quand il est en Arabie Saoudite. Mais plutôt, il visite les Qutbi et leurs semblables. Et lors des noces de sa fille, en Rajab 1430, il convia les têtes des Qutbi et des Qussas en Égypte comme Muhammad Abdul Maqsoud, Muhammad Hassan, Ahmed Al-Naqib, Khalid Saqr, Mustafa Muhammad, Ahmed Farid et Al-Afani. Fin de cette sixième critique ou cette sixième réfutation de Al-Huwayni. Passons maintenant au septième point de réfutation de Al-Huwayni. Al-Mukhalafatu Sabi'a. Al-Huwayni yat'anu fi akabir al-ulama wa yatahakkamu bi fatawihim. Le septième point d'égarement de Al-Huwayni. Al-Huwayni détracte les grands savants et il tourne en dérision leur fatawa. Cheikh Abu Abd al-A'la, hafidahullah, note qu'à l'instar des Khawarij qui se moquèrent naguère des Sahaba, Al-Huwayni raille les éminents savants salafis, suivant en cela la voie de Mohamed Surour. Et voici les preuves. Le premier exemple, Al-Huwayni détracte explicitement l'imam de Al-Jarh wa Ta'dil, le savantissime Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah. Cheikh Abu al-A'la hafidahullah dit: "Fafi laylat al-thani wal-ishrin min Jumad al-akhir, 'am 1424, ittasala ahad talabat al-'ilm, al-thiqat 'indi bil-Huwayni wa sa'alahu 'an ra'yi fi Abi al-Hasan al-Ma'ribi al-Misri." فأجاب الحويني: أبو الحسن جيد جدا. فقال السائل: فماذا عن قول الشيخ ربيع فيه؟ قال الحويني: ربيع هذا أحمق. Traduction de cette insolence. En la nuit du 22, Jumada le dernier, 1424 de l'Égypte, un étudiant fiable chez moi, c'est-à-dire chez Cheikh Abu Abd al-A'la Hafidahullah, un étudiant fiable chez moi contacta Al-Huwayni et lui demanda son avis sur Abi al-Hasan al-Ma'ribi. Al-Huwayni répondit qu'il est très bien. Notons ici entre parenthèses que c'est de ce Ma'ribi qui détracta les Sahaba qu'il s'agit. Ce Ma'ribi qui dit que Al-Ghusaïya s'applique aux Sahaba. C'est de Al-Ma'ribi qui dit que les Sahaba manquent d'éducation. عندهم خلل في التربية. نعوذ بالله من هذه الأقوال. Qu'Allah nous préserve de ces paroles de Al-Ma'ribi. Al-Huwayni répondit qu'il est très bien. Le questionneur insista, lui dit: qu'en est-il donc de la parole de Cheikh Rabi' concernant Al-Ma'ribi? Et Al-Huwayni de dire: ce Rabi' est un fou. Et Al-Huwayni répéta ce comportement d'irrespect comme c'est attesté dans Question méthodologique Masail Manhajiya de Cheikh Abi Muhammad Khalil Abdurrahman Habdallah. Voici la question posée à Al-Huwayni: ô Cheikh, on rapporte que vous avez parlé de Cheikh Rabi et que vous en dites qu'il est fou, est-ce que c'est vrai? Al-Huwayni répondit avec orgueil et vantardise: et qu'est-ce qui me ferait parler de Cheikh Rabi'? Cheikh Rabi' est pour moi comme ça. Et il fait le geste des doigts pour signifier qu'il ne vaut pas grand-chose pour lui. Et il continua: et il est pour moi un fou. Voici la fatwa en arabe. Nous la rappelons pour sa gravité et car beaucoup de frères me connaissent cette face de Al-Huwayni. ذكر الشيخ أبو محمد خالد عبد الرحمن حفظه الله في مسائل منهجية الصفحة 42 أن الحويني سئل يا شيخ ذكر عنكم أنكم تتكلمون في الشيخ ربيع تقول عليه أحمق هذا الكلام صحيح؟ فأجاب الحويني قائلا بكل كبر وغرور وما الذي يجعلني أتكلم في الشيخ ربيع؟ الشيخ ربيع عندي هكذا وأشار بإصبعيه يعني يستقل الشيخ ربيعا وهو عندي أحمق انتهى نعوذ بالله. Il convient à ce sujet de réviser les paroles des savants quant à celui qui dénigre et raille les savants, comme il convient de connaître la place et le statut de Cheikh Rabi' chez les grands savants de son époque pour la comparer avec ce jugement de Al-Huwayni. Le second exemple, Al-Huwayni s'attaque aux savants ayant fait fatwa d'interdiction des opérations suicidaires en qualifiant leurs paroles de « jleta », terme dialectal qui signifie à peu près « mélange ». Il dit à propos de ces opérations suicides menées par des Palestiniens contre des objectifs juifs, comme c'est dans sa cassette « Ahdath ou Ghazwati Uhud » en date du 18 Rajab 1425. Les savants ne connaissent pas la vérité, subhanallah, ne connaissent pas la réalité des choses. وهذا أقل ما يقال فيه كما قلت بمنتهى الصراحة دي جليطة أقل حاجة تقال في هذا إن دي جليطة. Traduction. Certains gens qui ne connaissent la réalité disent que c'est un suicidaire. Et la moindre chose qu'on puisse dire de cela, comme je l'ai dit franchement, c'est que ceci est un amalgame. Le moins qu'on puisse dire, c'est un mélange. Fin de citation. Rappelons que ceux qui avaient jugé ces actes suicidaires comme étant interdits en religion islamique sont les nobles Mashayikh Ibn Baz, Al-Albani, Al-Uthaymin, ainsi que beaucoup d'autres savants. Le troisième exemple, Al-Huwayni détracte les savants ayant émis des fatwas de ne pas boycotter les produits des pays mécréants, comme c'est authentifié dans une conférence de Al-Huwayni sous le thème « Comment défendre ton prophète ?» où il fait un clin d'œil aux savants qui recommandent de faire connaître la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas procéder au boycott des produits. Le quatrième exemple, Al-Huwayni raille les savants ayant mis en garde contre les égarements de Sayyid Qutb. Voici la parole de Al-Huwayni. فمثلا اتهمه الجماعة اللي هم بيشدوا الحبل على سيد قطب بأن سيد قطب يقول بخلق القرآن أنا أجزم أن هذا ما خطر على بالي سيد قطب أبدا. الشيخ أبو عبد الأعلى علق هنا بما يلي وهل شققت على قلبه انتهى. On continue la parole de Al-Huwayni. أنا أجزم أن هذا ما خطر على بالي سيد قطب أبدا. كلمة زل بها قلمه بطنطط بالقلم بتاعه فكتب العبارة الآتية أما القرآن فهو من صنع الله والصنع دي معناها الخلق خلاص قال يبقى من صنع الله يبقى يقول إن القرآن مخلوق تمام أبدا هو مش عايز يقول كده هو عايز يقول هو من عند الله خلاص عايز يقول كده فخانه قلمه الأدبي فشطح في مواضع كده انتهى. Traduction. Par exemple, les gens qui en veulent à Sayyid Qutb l'accusèrent. Ils disent que Sayyid Qutb avance que le Coran est créé. Moi, je tranche que cela n'était jamais passé par l'esprit de Sayyid Qutb. Cheikh Abu Adal a commenté ici en posant cette question. Est-ce que tu avais fendu son cœur pour le savoir et être si catégorique? Al-Huwayni continue. Ce n'est qu'un mot qui le fit succomber. Il jouait avec sa plume et il écrivit cette formule. Quant au Coran, il est une créature d'Allah. Fin. Or, la création signifie qu'il fut inventé Al-Khalq. Ça y est, ils disent que Sayyid Qutb avance que Al-Qur'an serait créé. Pas du tout. Il ne veut pas dire ça. Il veut dire qu'il vient d'Allah, c'est tout. Mais sa plume littéraire l'avait trahi. Et il avait dévié ainsi. Fin de citation de Al-Huwayni. Cheikh Hassan Abdel Wahab al-Banna Hafidahullah fait remarquer que cette défense inconditionnelle de Sayyid Khotb vient de son amour excessif pour lui. Et c'est parce qu'il s'était érigé contre le gouverneur et incita les jeunes à agir de la sorte, contrariant en cela la voix de Ahl Sunnah, qui conseille et au gouverneur et au gouverné. Fin de la parole de Cheikh Hassan Abdel Wahab, Hafidahullah. Soulignons ici comment Al-Huwayni montre les savants ayant critiqué Sayyid Khotb sur ce point concernant Al-Aqida et concernant le noble Coran comme des gens d'excès. Et Al-Huwayni continua à défendre Sayyid Khotb tout en méprisant les savants et en avilissant leur jugement. Il dit « Hawala annahu ya'ni Sayyid Khotb » يسلك عبارات الصوفية والكلام ده فأوقعته في مزالقة حتى أن بعض الناس كذلك اتهموا بأنه يرى عقيدة الحلول والاتحاد كمان لأن له عبارات في سورة الحديد وسورة الإخلاص قل هو الله أحد برضو إيه أي بني آدم عايز يتلكك له هيتلكك له وهو مستريح يعني وهيطلع له العبارة دي هي ويرميه بها على طول. Traduction. Il, c'est-à-dire Sayyid Khotb, essayait de suivre les formules des soufis et ce genre. Et il était tombé dans des fossés, au point que certains gens aussi l'accusèrent de la croyance de Al-Hulul et de Al-Ittihad aussi. Car il a des formules dans la sourate de Al-Hadid, le fer, et de Al-Ikhlas, le monothéisme pur, dit Allah est unique. Tout un chacun qui en veut à lui et qui lui cherche une oise peut l'accuser facilement tout en relevant cette citation. Fin de la parole de Al-Huwayni. Rappelons, suite à Cheikh Abu Abd al-A'la, que les savants dont il est question ici sont Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymin, Rabi' ibn Hadi, Ubayd al-Jabiri, Abdullah al-Dwish, Zayd al-Madkhali, Salih al-Sheikh et d'autres. C'est eux qui avaient relevé ces erreurs de Sayyid Khotb. Et comme le rappelle le noble cheikh Hassan Abdel Wahab, Hafidahullah, ces savants ayant relevé les erreurs méthodologiques de Sayyid Khotb l'avaient fait pour que les musulmans en soient prémunis et pour clarifier le sentier d'Allah, non pas pour accuser la personne de Sayyid Khotb. Et Al-Huwayni dit dans un autre endroit, « Ad-du'atu ila Allah tabaraka wa ta'ala, idha farratu dahara kullu khubtin fil ardi » إن كل البدع الموجودة الآن بسبب سكوت العلماء ماذا يطلبون ماذا يريدون يريدون المال سبحان الله محمد المغراوي لوتر تكفيري دو ماروك a une citation presque similaire presque identique. Traduction de cette citation de Al-Huwayni. Les prédicateurs pour Allah tabaraka wa ta'ala, s'ils viennent à manquer à leur fonction, alors toute perversité apparaîtra sur terre. Toutes les innovations existant maintenant ont pour cause le silence des ulama. Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'argent. Fin de citation. Regardez quelle mauvaise parole et quelle généralisation abusive sortent de la bouche de Al-Huwayni. Or les savants de la Sunna avait mis en garde contre les innovations et contre les innovateurs, contrairement à ce que prétend cet innovateur de Al-Huwayni, qui protège beaucoup d'innovations et ne les dénonce pas, telles que celles de Qutb et de Al-Banna, de Al-Mawdoudi et d'autres personnes, et telles que celles des Ikhwan, des Qutbi et des Sururi, qu'il ne critique jamais. Al-Huwayni s'allie avec beaucoup, beaucoup d'innovateurs chevronnés, comme ceux qu'on a cités dans le sixième point de ces écarts et égarements profonds, et insinuer que les savants quittent la dunya et cherchent l'argent est perfide et sournois, et ça rentre dans la stratégie des Qutbi et des Sururi d'écarter les jeunes des gens de science pour pouvoir leur servir leur venin et poison, c'est-à-dire le poison de tekfir, alors que ces jeunes n'auront plus aucune science et aucune résistance. Ils ne peuvent pas résister à ces vampires. à ces tekfiris qui veulent leur transmettre le tekfir, le venin de tekfir. Et c'est une chose bien connue que les innovateurs parlent en mal des gens de la sunna. Et il faut reconnaître que les gens de science ont déployé de grands efforts pour diffuser la aqida et le tawhid, chose qui n'entre pas dans les objectifs de la da'wa de Al-Huwayni. Ils ont diffusé le minhaj des salafs, ses fondements et ses règles. Ils ont transmis les jugements, al-ahkam, dont les musulmans ont besoin. Ils ont transmis les ahkam, les jugements relatifs aux adorations, aux transactions, aux comportements, etc. Et ce sont les savants comme Ibn Baz, Al-Albani, Al-Uthaymin, Muqbil, Al-Jami, Al-Najmi, Rahimahumullah, Al-Fawzan, Rabi', Al-Abbad, Al-Jabiri, Hafidahumullah, Al-Sheikh Zayd Al-Madkhali, Rahimahumullah, et leurs frères, ils sont nombreux, Alhamdulillah. Al-Huwayni ne renvoie pas à ces savants ancrés dans la science, et ils n'orientent pas la jeunesse indécise vers ces gens. Au contraire, ils approfondissent et creusent leur ignorance et aggravent leur indécision, l'indécision de ces jeunes, les occupants de politique et de faits d'actualité. C'est à peine qu'ils citent Al-Albani dans les questions de l'hadith, c'est-à-dire Al-Masail Hadithiya et celle de Al-Fiqh. Et ils ne le citent jamais dans les questions de Al-Minhaj, ni dans celles qui concernent les crises de la Ummah, Fatawa al-Nawazil, car là, il a souvent, sinon toujours, un avis contraire à Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Comme le souligne Cheikh Abu Abd al-A'la, qui d'ailleurs consacra un chapitre à l'examen de ces questions où Abu Ishaq al-Huwayni se distancie de l'imam Muhammad Nasr Din al-Albani, rahimahullah. Et quand al-Huwayni parlait de silence des savants, de sukut al-ulama, cela renvoie à un silence particulier, à un silence précis qu'il veut signifier. C'est qu'ils ne font pas comme lui des khutbas très longues dans la politique, tout en critiquant les gouverneurs. Et il est facile de convaincre les jeunes ignorants que tel silence des ulama ne se doit pas, et que c'est lui, Al-Huwayni le téméraire, qui déclare très haut la vérité. Mais quelle vérité ! La vérité est qu'il contrarie la voix des salafs dans ces choses. Et où passe sa témérité et son courage quand il faut faire face aux calamités des Ikhwan et leurs chefs de file ? Fin du 7e point de réfutation de Al-Huwayni. Passons maintenant au 8e. Al-Mukhalafatu Thamina. تقرير الحويني لبدعة إيجاب الموازنة بين الحسنات والسيئات عند التحذير من المخالف والمبتدع. Le huitième point de critique et d'égarement de Al-Huwayni. Al-Huwayni décline l'innovation de l'obligation d'évaluer les hasanat et les sayyiat lors de la mise en garde contre le contrevenant et l'innovateur. Un mercredi des derniers jours du mois de Rabi' al-Thani, en l'an 1428, lors de l'émission Fadfada, sur la chaîne télévisée An-Nas, Al-Huwayni fut interrogé. السؤال نسمع نحن نسمع هذه الأيام يعني من بعض الجماعة الذين يقدحون في العلماء أمثال حضرتك والشيخ حسان والشيخ يعقوب يعني نرجو من حضرتك أن توجه لهم بعض النصائح. فأجاب الحويني طبعا يعني هو الأخ اللي بيتكلم إن فيه بعض الناس بيقدح في أهل العلم فإحنا عايزين نقول يا جماعة ليس هناك إنسان معصوم كذا والصواب ليس هناك إنسان معصوما ليس هناك إنسان معصوم من الخطأ لكن الميزان الذي عليه علماء السنة هو قياس الحسنات والسيئات. Ceci n'est pas la balance des gens de la sunna. Ce Ceci est la balance des gens de la bid'a. Al-mizan alladhi alayhi ulama as-sunnah huwa qiyas al-hasanat was-sayyi'at wa taqra'u lil-imam az-zahabi fi tarjamat Muhammad bin Nasr al-Marwazi wa Muhammad bin Jarir al-Tabari wa ghayrih mimman ukhidha alayhim ba'd al-ashya'. Yaqul ay al-imam az-zahabi law qumna bi tabdi'i ibn Nasr wa ibn Khuzaimah ما سلم لنا أحد لا هذا ولا ذاك طالما أن الإنسان عقيدته سليمة دين نمرة واحد منهجه صحيح ده نمرة اثنين أي خطأ في الفروع مغتفر حتى ولو كان خطأ في العقيدة ينبغي أن يناظر هذا الإنسان لاحتمال أن يكون عنده قضية مغلوطة نصححها له لاحتمال أن يكون المعترض هو المخطئ وهذا الرجل عنده علم زائد على هذا المعترض فيستفيد. Traduction. La question. Nous entendons ces jours-ci certains du groupe qui détractent les ulama comme votre éminence et Cheikh Hassan et Cheikh Yaqub. Je veux dire que nous espérons que tu leur adresses certains conseils. Al-Huayni répondit. Bien entendu, le frère parle de certains gens qui détractent les gens de science. Nous voulons dire en groupe, il n'y a plus une personne infaillible. Cependant, la balance qui est en vigueur chez les savants est de mesurer les hasanats, les bonnes œuvres, et les sayyi'ats, les mauvaises œuvres. Et tu peux lire dans l'imam al-Zahabi, dans la biographie de Muhammad bin Nasr al-Marwazi, et Mohammed bin Jarir Tabari et d'autres, sur lesquels il a certaines remarques. Al-Imam al-Zahabi dit, si nous rendions Ibn Nasr et Ibn Khuzaima innovateurs, personne ne serait indemne après. Néanmoins, tant que la aqida, croyance de la personne est correcte, et ceci est le premier point, et que le minhaj, voie, méthodologie est correcte, et ceci est le second point, toute faute dans les branches est excusée, même si cette faute concernerait la aqida. Et il convient de débattre avec la personne, car il se peut qu'on lui corrige une incompréhension, ou bien que le critique lui-même ait tort, et que la personne critiquée a plus de science sur ce point, alors on en profite. Fin de la fatwa de Al-Huwayni. Cheikh Abu Abdel-A'la, Hafidahullah, montre qu'il y a une volonté de confusion dans ses propos. Talbis. Al-Huwayni veut mélanger entre la règle de rechercher l'excuse pour les grands savants quand ils se trompent, comme c'est expliqué dans le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Raf'u al-Malami, An al-A'immati al-A'lami. Il veut donc confondre entre cette règle et entre l'innovation contemporaine qu'est Al-Muazanat, entre les bonnes et les mauvaises actions, comme il prétend. Al-Muazanat, entre les bonnes et les mauvaises actions, quand on met en garde contre les gens de passion. Notez bien que même en cas des grands savants auxquels on cherche l'excuse, on ne se tait pas sur l'erreur en elle-même. Tandis que les innovateurs et les gens de passion, on met en garde contre leurs erreurs et contre la personne qui les énonce et les propage. Une autre confusion dans les propos de Al-Huwayni est celle de faire passer un exemple de At-Tarajim pour un cas de la critique et de la mise en garde. Or, ce sont deux choses différentes. Dans At-Tarjama, la biographie d'une personne, on sait tout ce qu'elle a de bien et de mal, alors que lorsqu'on veut faire un conseil à la Ummah, aux musulmans, pour qu'ils ne soient pas dupes d'un tel innovateur, on ne les met pas dans l'embarras face à des bienfaits et à des méfaits. Non, jamais, on ne cite que ce que cette personne a comme fausse croyance ou comme déviance dans le minhaj, ou autre pour se prémunir et être avisé de ce à quoi elle appelle, c'est-à-dire ce à quoi cette personne appelle. Et Cheikh Abu Abd al-A'la, hafidhahullah, relève une troisième confusion. Elle vise, c'est que Al-Huwayni veut faire passer ses conteurs d'histoire, comme Mohamed Hassan et Mohamed Yaqub et lui-même, comme des égaux et des pères aux grands imams, comme Mohamed bin Nasr al-Marwazi, et comme Mohamed bin Jarir al-Tabari, et comme Mohamed ibn Ishaq ibn Khuzayma. Et il veut faire comprendre que les erreurs de ceux-ci, c'est-à-dire de ces grands imams, ressemblent à celles de ceux-là, de ces grands innovateurs. Comparer Ibn Hassan à Ibn Nasr al-Marwazi est comme de comparer l'argile qu'on foule des pieds aux étoiles qu'on se penche pour voir dans le ciel. هل يقاس الثرى بالثريا هل يقاس المصباح الخافت بالشمس في رائعة النهار. الشيخ أبو عبد الأعلى حفظه الله montra quelques erreurs des imams de l'islam à l'égard de quelqu'un comme Mohamed bin Nasr al-Marwazi, afin de faire ressortir cette confusion bizarre voulue par Al-Huwayni entre des imams invétérés ancrés dans les sciences de l'islam et entre des innovateurs quasi incorrigibles. Et Cheikh Abu Abd al-A'la demande à Al-Huwayni, où sont les livres de sciences de ces innovateurs qu'il défend, afin de les comparer aux livres de l'imam, qui fut considéré comme Cheikh al-Islam Mohammed bin Nasr al-Marwazi. Ceci est une grande injustice de vouloir confondre un imam de la Sunna et un imam de la Bid'a. Al-Huwayni exige que le conseil al-Nasiha soit secret et discret. Or, que ne le fait-il pas lui-même vis-à-vis des gouverneurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté et ordonné de conseiller en secret et non pas sur les manabir. Et ceci est une remarque de Cheikh Falah Mandakar, hafidhahullah. Cheikh Abu Abd al-A'la note aussi, que ne le fait-il pas lui-même quand il critiqua l'innovateur Youssef al-Qardawi? Que ne respecte-t-il pas son principe quand il qualifia certains grands savants par al-hamq, la folie, par al-jlita, l'amalgame, la confusion, le mélange, et par al-telekuk, chercher à tout point à relever une erreur de Sayyid Qutb? Ensuite, Al-Huwayni renchérit en présentant l'époque actuelle comme une époque d'aridité et de grande sécheresse en termes de science et de savants. Il dit, « إحنا عندنا قحط بالنسبة للعلماء الربانيين » et ce, afin de conclure qu'il faut excuser ceux qu'il défend. Et il donne l'exemple de celui qui a des haillons, des ardes, des guenilles. Doit-il les porter tels qu'ils sont, ou les enlever et marcher nus? Cheikh Abu Abd al-A'la, hafidhahullah, répond comme suit. وَهَذِهِ فَلْسَفَةٌ عَقْلِيَّةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا فِي مِيزَانِ الْعُلَمَاءِ بَلْ هِيَ طَرِيقَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْكَلَامِ لِإِبْطَالِ الْآثَارِ. وهل الحل لمشكلة قلة العلماء ترقيع أهل البدع من القصاص والحزبيين وغلاة التكفير وتزيينهم في أعين الناس حتى ينخدع الناس بهم؟ Traduction. Ce que Al-Huwayni avait donné comme exemple pour excuser les gens de la bid'a, Cheikh Abu Abd al-A'la lui répond comme suit. Ceci est une philosophie rationnelle qui n'a aucune valeur dans la balance des gens de science. Plus encore, c'est la méthodologie des gens d'opinion, de la pensée, de Al-Kalam, afin d'annuler les preuves et les textes. Est-ce que la solution face à la rareté des savants serait de rapiécer les gens d'innovation parmi les qossas, conteurs, les hizbis, les sectaires, et roulettes et takfir, les fanatiques dans le chapitre de rendre les gouverneurs et les pêcheurs musulmans comme des kuffars mécréants, de les embellir dans les yeux des gens jusqu'à ce que ces derniers en soient dupes? N'est-ce pas que le chemin droit serait de mettre en garde contre ces égarés et contre leur déviance On conseille aux musulmans, tout en préparant des apprenants de science, qui assumeront la responsabilité et assureront la continuité. Ensuite, Cheikh Abu Abd'A'la Hafidhahullah demande, comment Al-Huwayni juge que ces personnes critiquées ont une aqida et un minhaj correct? Ceci est aussi un grand mensonge et une grosse confusion. En vérité, ce qu'il défend dans sa fatwa furent critiqués par des sommités de la science pour des innovations claires et graves, contredisant frontalement le livre d'Allah, la sunna de son messager et la voix des pieux prédécesseurs. Enfin, Al-Huwayni conclut sa réponse en prétendant qu'il entend depuis des années des insultes de ces gens, qu'il n'avait pas réagi, non pas que ses adversaires n'ont pas des erreurs, mais qu'il se préoccupe d'autre chose. Et il dit, « أقول ما قال علي بن أبي طالب في الخوارج الذين كفروه لما سئل أكفروه قال من الكفر فروا لكنهم فتنة لكنهم قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا ثم قال إخواننا بغوا علينا. Est-ce que Ali va dire des خوارج que ce sont nos frères, إخواننا؟ Traduction, Al-Huwayni prétend que sa réponse est la même que celle qu'il impute à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, à l'égard des Khawarij, et que celui-ci, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, aurait été interrogé, sont-ils devenus mécréants? Alors Ali aurait répondu, ils ont fui la mécréance, ils sont une épreuve. Une épreuve les atteignit qui fit qu'ils ne voient ni n'entendent. Et puis, qu'il aurait conclu que ce sont des frères ayant agressé les Sahaba. Fin du propos de Al-Huwayni. Cheikh Abu Abd'A'la Hafidhahullah souligne que cette parole imputée par Al-Huwayni à Ali ibn Abi Talib ne concernait pas Al-Khawarij, mais concernait les gens dits de Al-Jamal, les gens du chameau. Dans la discorde qui eut lieu entre les Sahaba, qu'Allah les agrée tous. Et la sunna, en ce qui concerne la discorde de Sahaba, soit dit en passant, est de ne pas s'y impliquer, de ne pas y entrer, et donc de demander l'agrément d'Allah Azza wa Jal pour tout le monde, pour tous les Sahaba, qu'Allah les agrée. Et aux paroles précédentes de Al-Huwayni, quant aux paroles précédentes de Al-Huwayni, elles contiennent aussi du mensonge. Al-Huwayni, Hassan et Yaqub, ainsi que les autres Qutbi, ont insulté à maintes reprises les gens de science, les critiques de Al-Jarh wa Ta'dil, et les ignorants qui le suivent, lui et les autres, qualifient tout le temps les salafis de Madakhila, Jamiyoun, Rabi'iyoun, Roulat Tajrih. Ce comportement, notre Cheikh Abu Abd'A'la, ressemble à celui des Rafida et des Sofia qui taxent les salafis de Wahhabiya, Hanabila, Roulat, Mutashaddidun. Et quand Al-Huwayni insinue que les critiques eux aussi ont des égarements, Cheikh Abu Abd'A'la Hafidhahullah lui répond comme suit. هل لا بينت لنا ما يؤخذ على العلماء الذين بينوا أمرك؟ فإن كان ما أخذ عليهم من قبيل البدع والضلالات التي أخذت عليك بينا هذا وحذرنا منهم ودعك من إلقاء التهم جزافا دون بينات تشكيكا في الحق وأهله وقذفا للريبة في قلوب الضعفاء فإن هذا سبيل الخونة الزائغين عن الحق. Traduction de cette réponse de Cheikh Abu Abd'A'la Hafidhahullah Ta'ala. Il dit à Al-Huwayni, que ne démontres-tu pas ce que tu prétends reprocher aux savants ayant démontré ton statut? Partant, si tu le démontres, si ce que tu leur reprocherais serait du genre des innovations et des égarements qui te furent reprochés, alors nous allons clarifier cela et mettre en garde contre eux. Et délaisse ce style d'accuser les gens sans preuve, envie de semer le doute autour du vrai. Et ces gens, et en vue de jeter les soupçons dans les corps des faibles. Or, ceci est le sentier des perfides, déviant de la vérité. Fin de la traduction de cette citation du Cheikh Abu Abd al-Hafidullah. Puis aussi, Al-Huwayni compara ceux qui le critiquent, lui et le reste de sa clique, il les compara à des haches détruisant la sunna. En vérité, ce sont les innovateurs et les innovations qui sont des haches pour détruire la sunna. Et la comparaison que Al-Huwayni établit entre les savants de Al-Jarh wa Ta'dil qui le critiquent et entre les Khawarij, s'étant rébellé contre l'imam et le sahabi, le calife bien guidé Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, et l'ayant rendu mécréant. Cette comparaison entre les ulama et les khawarij est une comparaison injuste et dénonce de la confusion profonde où se trouve cet homme, Huwayni, inversant les rôles, qui voit les choses à l'envers, inversant les rôles, déguisant les vérités et défendant les innovations, aussi bien que les écarts et les égarements qu'il prend pour la sunna. Cela dénonce ces écarts par rapport à la sunna. Ceci montre que le terme de Ahl al-Sunna est devenu pour lui, comme pour beaucoup de hizbi, notamment Abu al-Hassan al-Maghribi et Abd al-Rahman al-Khaliq, un terme très vaste et très étanche, englobant des sectes et des secteurs de Qutbi, Ikhwani Sururi, Takfiri Qussas et Muta'alimin. Et la liste n'est pas encore fermée. Et dans un autre endroit, précisément dans l'un des cours de ce qu'il appela Silsilat Madrasas Al-Haya, la série L'École de Vie, il qualifia les Salafis et surtout les gens de science de Médine, et à leur tête l'éminent savant Abu Muhammad Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Al-Huwayni les qualifia de Al-Hamqa, les fous. Il les qualifia aussi de Al-Jama'a Iyahum al-Malatish, qui semble être un jurant en dialecte égyptien dont nous ne saisissons pas le sens exact, car l'on parle souvent en dialecte et en jargon malheureusement. Il les qualifia aussi de Sufaha al-Ahlami, Hudatha al-Asmani, Yaquluna min qawli khayri al-Bariya, qui est une partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait, non pas aux nobles savants de Al-Jarh wa Ta'dil, mais il l'appliquait aux Khawarij. Ils sont idiots dans leurs projets, et ils sont jeunes d'âge, combien même ils citent des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Huwayni de dire, concernant toujours les salafis, concernant les savants de Al-Jarh wa Ta'dil, Tahar al-Ard minhum, qui est une invocation pour qu'Allah anéantisse ces gens et purifie la terre de leur mal. Quel mal? De montrer la sunna et de la défendre. Est-ce que Al-Huwayni use ici de Al-Muwazanat avec ses adversaires? Et Al-Huwayni use de l'innovation dite de Al-Muwazanat afin d'égarer les faibles et les démunis de science et leur faire comprendre que telle erreur qui est la sienne ne doit pas faire oublier ses soi-disant atouts et ses prétendus avantages, les avantages qu'on lui prétend. Or, là aussi, il use de confusion, de tels vices, de déguisement et de généralisation abusive, car il faut expliciter le genre de l'erreur en question. Si l'erreur en question est une erreur de shirk majeur, elle brûle toutes les hasanat, toutes les bonnes œuvres. Et si c'est une bid'a, une innovation, il est obligatoire de mettre en garde contre son auteur et contre cette innovation, contre son auteur, même s'il a de bonnes œuvres. Quant à la discrétion et au conseil que Al-Huwayni appelle de ses voeux, Cheikh Abu Abd al-A'la, Hafidhahullah, souligne que l'imam Rabbi Ibn Hadi, Habidallah, avait envoyé des apprenants de science afin de conseiller Al-Huwayni qui s'enfuit et détourna son dos. Fin de la 8e remarque de réfutation de Al-Huwayni. Passons maintenant à la 9e remarque. المخالفه التاسعه مشابهه الحويني القصاص في بعض طريقتهم. La neuvième critique, الحويني ressemble au conteur d'histoire dans certains traits de leur voix. Celui qui examine les cours et les sermons de الحويني remarque qu'il se caractérise par trois points saillants. 1. Les histoires, al-qasas. 2. L'excitation politique, al-tahij al-siyasi. 3. Le grossissement des péchés relatifs aux actions et le fait d'en parler plus que l'associationnisme majeur. تفخيم شأن الكبائر العملية وعلى رأسها عند الحويني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وكثرة الدندنة حولها أكثر من الشرك الأكبر في العبادة. Tout cela au détriment des questions de croyance, مسائل العقيدة, et au dépend de la réfutation des ambiguïtés des gens, des sectes et des partis d'innovation. C'est à peine qu'il évoque ces aspects comme s'ils étaient subsidiaires, secondaires et non pas essentiels. Et voici un exemple que Cheikh Abu Abdel A'la Hafidallah relève d'une conférence donnée par Al-Huwayni au Qatar en mois de Ramadan en 1430 sous le thème Khafaya al-Awliya, les alliés déguisés. Voici le texte de Al-Huwayni. في محاضرة خفايا الأولياء التي عقدها الحويني في قطر في رمضان 1430 ذكر فيها قصة توبة امرأة راقصة وكيف أنها مرت بجانب مسجد فسمعت كلمة في محاضرة فأرسلت سؤالا إلى المحاضر مضمونه أنها راقصة تريد التوبة فأصاب المحاضر الفضول أن يعلم قصتها فخرج إليها عند باب المسجد وقال لها اتصلي علي في الساعة 10:00 وبالفعل اتصلت عليه وأخبرته كيف اشتغلت بالرقص وخلال هذا يقول الحويني كانت تجلس مع امرأة فشكت إليها قالت لها والله بروح البيوت وأجد معاكسات وزهئت من العيشة خلاص فسألتها المرأة كم تأخذين في البيوت قالت 50 جنيها أو 20 جنيها قالت 20 جنيها إيه يا هبلة دا أنا حشغلك شغلانة تكلين من وراها ذهب قالت يعني أشتغل إيه قالت تعالي اشتغلي رقاصة دا أنت هناك كل العالم اللي بيتفرجوا عليكي مساطيل شاربين خمر ومنيلين بنيلة أي واحد يقوم مطلع الفلوس اللي معاه ويروح مديها لك لكن حيحكي فيكي مرة ويتمايل عليكي مرة استحملي وستأخذين ألوفا مؤلفة فراحت تشتغل مساعد رقاصة ما هو مش ممكن تطلع لازم تتعلم الفن الأول والرقص له قواعد مش يتنطط على البتاع وخلاص ويبقى اسمه رقاص الحويني دي سلاء ومود غامدان لا نوي donc il est allé prêcher les gens. Il dit ما هو مش ممكن تطلع لازم تتعلم الفن الأول والرقص له قواعد مش يتنطط على البتاع وخلاص يبقى اسمه رقاص لا له قواعد تهز ايه وتثبت ايه وتعمل ايه والحدوته دي فعبال لما تتعلم تبقى رقاصة محترفة اخذت لها شوط في التعلم اخذت لها شوط كذا اخذت لها شوطا الصواب اخذت لها شوطا حويني دي اخذت لها شوط في التعلم حتى بقت رقاصة كويسة ومقبولة وبدأت تأخذ ألوف. في هذا اليوم الذي كتبت فيه الورقة كانت وصلت إلى مرحلة من اليأس والزهق. والجماعة المساطيل اللي عاملين يرموا جتتهم عليها والكلام ده، فراحت تأخذ النمرة أي الفقرة بتاعتها إلى آخره. Après cela, Cheikh Abu Abd al-A'la, hafidhahullah, avait commenté. Il dit, « Qultu, hadha huwa kalamuhu binassihi wa hurufihi al-amiyyati al-rakika al-ba'idati an qawa'id al-arabiyya kull al-bu'di taraktuha kama hiya raghma su'ubati qira'atiha illa liman yuhsinu fahma al-amiyya al-misriya hatta a'rida namudajan wadihan من عشرات النماذج الأخرى في خطب ومواعظ الحويني واللاتي لا أحب أن أرهق ذهن القارئ وأمرض قلبه باستعراضها كلها، بل يدرك الناقد البصير مدى المنحدر الذي انحدر إليه الحويني في سلوكه مسلك القصاص في صورة من أسوأ صوره. وأنا أناشد طلاب العلم الذين صفت آذانهم من خبث القصاص واعتادوا على سماع العلماء الربانيين، هل سمعتم ولو مرة واحدة هذا الكلام أو شبهه من الألباني أو ابن باز أو ابن عثيمين أو محمد أمان الجامي أو مقبل بن هادي أو الفوزانة أو أحمد النجمي أو ربيع بن هادي أو عبيد الجابري أو غيرهم من أئمة السلفيين المعاصرين. Nous avons cité ce texte pour son importance malgré sa longueur et nous allons passer maintenant au commentaire de Cheikh Abu Abd al-A'la concernant ce fragment de Al-Qasas que Al-Huwayni utilise dans ses khutab afin d'apitoyer les gens et les attirer vers son minhaj de At-Takfir. Et Cheikh Abu Abd al-A'la, hafidhahullah, commente que ce sont des propos très mal dits en jargon dialectal égyptien. Ça c'est la première remarque. Deux, que c'est un exemple parmi des dizaines d'autres remarqués chez Al-Huwayni. Trois, que cela montre jusqu'à quel point Al-Huwayni s'était enfoncé embrassant ainsi la voie embarrassante et dénuée de science et d'instruction qui est celle des Qussas. 4. Et Cheikh Abu Abd al-A'la demande aux Tullab al-Ilm s'ils avaient entendu chose pareille chez les savants salafis contemporains tels que Al-Albani, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Al-Jami, Muqbil, Al-Fawzan, Al-Najmi, Rabi' Al-Jabiri, etc. Et Cheikh Abu Abd al-A'la cita des paroles des salafs et des savants salafis contemporains mettant en garde contre les Qussas et leur style innové. Et Cheikh Abu Abd al-A'la mentionne aussi un comportement de la masse des jeunes qui n'ont ni science ni raison, qui suivent Al-Huwayni même dans les rues et les boulevards quand ils descendent dans une ville. Or, ces jeunes ne poursuivant de leurs caméras de téléphone se font ressembler par ce trait à ceux qui poursuivent les pervers comme les chanteurs et les acteurs qu'émandant leurs autographes. Est-ce là une chose pour propager la sunna en société? Est-ce une manière de propager la sunna que de suivre un qas, un takfiri, de le suivre dans les rues, les élèves et de suivre, même un savant, on ne le suit pas. Et rappelons-nous, donc lorsque Cheikh Rabi était dans une assise et des gens venaient donc de partout dans le monde l'interroger à propos des questions de Damnage, et lorsque le Cheikh s'est levé pour quitter l'assise, un étudiant le poursuit, alors Cheikh lui dit « Je n'aime pas ce comportement ». Donc on ne suit pas le savant comme ça. Donc on va voir les propos des salafs quant à ce comportement. Abdullah ibn Mas'ud, les salafs détestaient que quelqu'un les suive. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agréé, dit: ceci est une humiliation du suiveur une épreuve pour la personne suivie aussi. إنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. C'est une humiliation pour la personne qui suit, qui va donc suivre la personne dans la rue. Et c'est une fitna pour le savant, parce que le savant aussi, il a un cœur. C'est un être humain. Note du traducteur. Ceci revient souvent, ce comportement, ce type de comportement revient souvent chez eux. Comme on peut citer ces exemples. 1. Al-Huwaini et la foule des Qatbi. Lorsqu'ils recevèrent le fameux Ikhwani Abdurrahman Abdkhalaq à l'aéroport. 2. Les suiveurs du Takfiri Mohamed Maghraoui, qui le recevèrent à l'aéroport et firent précéder cet événement par un sit-in lors des événements des manifestations dans le monde arabe. Donc eux, ils se sont rassemblés pour accueillir leur cheikh Takfiri. 3. Les manifestants Ikhwani Qutbi qui firent porter Mohamed Hassan et sa voiture 4x4 sur leur dos. Et les exemples peut-être de ce genre sont nombreux. Quelle honte et quelle humiliation! Cela fait-il partie de quelque religion? Fin de cette note. Et aux fanatiques qui font rancer Ikhwani au piédestal d'un grand imam salafi, Cheikh Abu Abdallah demande: citez-nous un seul livre de aqida, de croyance, que ce prétendu grand imam aurait expliqué ou bien commenté. Avait-il expliqué au sunnah de l'imam Ahmed? Ou bien aqidat al-salaf ou ashab al-hadith de l'imam al-Sabouni? Ou bien l'imam de Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam? Ou bien al-Rad al-Jahmiya de Ibn Mandah? Ou bien Al-Usul Al-Thalatha, ou Al-Usul Al-Sitta, ou Kitab Al-Tawhid de l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, etc. Qu'il le fasse, s'il n'avait pas encore fait, s'il est encore occupé par Al-Qasas et par la politique, qu'il le fasse donc dans un seul de ses livres, et déclarant courageusement face au flot des Ikhwani, des Qutbi, des Sururi, des Takfiri, déclarant la croyance des salafs, de Ahl al-Sunnah, de Ahl al-Hadith, à moins qu'ils ne pensent, comme ses prédécesseurs, Mohamed Surur et Abdurrahman Abdulkhalaq, que ces livres seraient secs, désuyés, n'apportant pas des solutions aux problèmes contemporains, et que ce qui convient à cette époque, ce sont les histoires à dormir debout, et les serments chauds dégoulinant de la chose politique et des faits divers des acteurs et des actrices. Mohamed ibn Sirin, rahimahullah, dit: Awwal man qassa al-khawarij, les premiers à recourir aux histoires et aux contes étaient les khawarij. Fin de citation. C'est pour apitoyer les gens, pour les tromper par la suite. Des gens qui n'apprendront pas des règles ni des fondements, qui ne connaissent rien de leur religion que des histoires à dormir debout. Et parmi les aberrations de Al-Huwaini, et qui le rapprochent de Al-Qussas, en sus de ce qui était cité dans les chapitres précédents, il y a cette parole par exemple dans la cassette sous-titrée Nida al-Ghuraba, l'appel des étrangers, face 2. Il dit: إن التطرف في الدين خير من التطرف في الدنيا مع أن كليهما مذموم لكن الذي يتطرف في الدين أبعد عن الانحراف والفساد العريض من الذي يتطرف في الدنيا فإن خفت على ولدك أن يشم الهيروين فضعه في أحضان أهل السنة والجماعة. Traduction: l'extrémisme en religion est meilleur que celui dans la dunya. En la matière, même si les deux sont blâmables, cependant, celui qui prend l'extrême dans le dîn est plus loin de la déviance et de la corruption manifeste que celui qui prend l'extrême dans la dunya. Alors, si tu crains pour ton enfant d'aspirer la héroïne, mets-le entre les mains des gens de la sunna et du groupe. Fin de citation. Ceci est une aberration et une philosophie de Al-Huwaini, Car, pour les salafs, les innovations sont plus dangereuses que les péchés. Et l'expression « Ahl al-Sunnah wal-Jama'a » est une appellation élastique chez Al-Huwayni, où entrent beaucoup de sectes, dont les Khawarij, à l'instar de la théorisation innovée de Al-Ma'ribi, dite de « Al-Manhaj al-Wasi' al-Afiyah » c'est-à-dire la voie large, accueillante, où tous les gens de la sunna, sous-entendre les ikhwani aussi et les tabliri selon le ma'ribi, les ikhwani qui vont entrer sous cette banderole, ahl sunna wal jama'a, selon al-manhaj al-wasi' al-afiyah de al-ma'ribi. Tout le monde peut y entrer. Et Cheikh Abu Abdel-A'la, hafidahullah, note que ceci, c'est-à-dire cette manière de philosopher et de considérer que donc le minhaj est large et le même minhaj maintenant que celui de Al-Halabi dans son forum appelé Kul al-Salafiyin, tous les Salafis. Et parmi les aberrations de Al-Huwayni aussi, et qui le font éloigner des Salafis, et rapprocher des Qossas et des Hizbi Haraki, c'est qu'ils jugent incompatible avec notre époque d'étudier une question comme celle de Khalq al-Qur'an. Il dit dans le livre Zannat al-Murtab, page 54, « وَمِنْ عَزِيلِ مَا وَقَعَ لِي أَنِّي دَخَلْتُ أَحَدَ الْمَسَاجِدِ لِأُصَلِّي فَشَهَدْتُ جَمَاعَةً مِنَ الصِّبْيَا يتحدثون في هذه المسألة أي خلق القرآن فقلت لأحدهم هذه المسألة قد اندثرت ووقى الله الأمة شرها فلا تبعث مطمورا ولا تقتمس شاردا فيقع الشباب في فتنة وشر تخدكسيون حويني دي et parmi les choses merveilleuses qui me sont arrivées et étranges et merveilleuses qui me sont arrivées, c'est que je suis entré dans une mosquée pour prier et j'ai trouvé un groupe de jeunes traitant de cette question, c'est-à-dire de Khalq al-Qur'an, que al-Qur'an serait créé, qui est une innovation, et même le fait de dire que al-Qur'an est makhlouq est une mécréance, et dire l'afdib al-Qur'an makhlouq, c'est une bid'a. Al-Huwayni dit, cette question, c'est-à-dire que al-Qur'an est makhlouq, serait makhlouq. J'ai dit, donc Al-Huwayni poursuit, j'ai dit donc à l'un d'eux, cette question fut exterminée, Allah avait protégé la Umma de son mal, ne ressuscite pas quelque chose d'enseveli, ni ne capture un lointain oublié, ce qui pourrait nuire aux jeunes et les exposer à l'épreuve et au mal. Fin de la citation. Cheikh Abu Abdel-A'la demande, est-ce qu'étudier une question relevant de la croyance des gens de la Sunna, tout en prenant connaissance des avis des sectes d'égarement, comme les Jahmites, les Mu'tazilites, les Ash'arites, est-ce que cela doit être interdit? Fin de ce modeste travail de synthèse de notre part, ou d'exposer des principaux traits qui sont critiqués à Al-Huwayni dans le livre de Cheikh Abu Abdel-A'la, الحدود الفاصلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم